ce Y. Essaye d'être réaliste quand les gens te marchent dessus. Tu crois être dans un rêve mais ce n'est qu'un malentendu. Face à la mer, face aux vagues, je vois mon avenir qui se dégrade. Au loin, la terre de mes ancêtres, celle qui a fait que j'ai pu naître. Franchement ma vie rime à rien, je trouve même plus mon chemin. Je vois des gens faire des mouvements mais je comprends pas que c'est pour mon bien. Bim bam boum, et l'instru reprend. Mec, tu sais pas ce qu'il me prend. Je pleure devant mon texte comme une pédale, faut que j'arrête. Les barrettes, les meux gros, les haltères. Des journées derrière le micro à rapper. Mes textes qui ne veulent rien dire. Des morceaux de ma vie sur des morceaux de musique. Ça me donne pas envie de rapper, mais je le fais quand même. Man, c'est bientôt Noël et je fais encore souffrir la femme que j'aime. J'ai envie de réussir, ça fait 3 ans que j'essaye. Après l'homme aux mille visages, voilà certifié authentique. Mais au moins je me lancerai et je sais qu'il n'y aura rien par la fin. Car la fin du monde approche. Ma soeur, ma mère et ma feuille, les plus importantes dans ma vie. J'ai des rêves, je m'accroche, j'ai signé mon arrêt de mort ivre. J'savais pas trop ce que je faisais, mais c'est trop tard. On ne peut pas reculer, mais à ce qui paraît la mort trop tard. Rêve, indien tout le temps, j'ai besoin d'un psychiatre. Car je suis pas bien, maudit soir de Noël. Seul dans ma chambre, seul dans ma chambre. Essaye d'être réaliste quand les gens te marchent dessus. Tu crois être dans un rêve, mais ce n'est qu'un malentendu.